Laisse-moi partir, tu m'as quitté. Alors laisse-moi te fuir, tu m'as quitté. Et tu veux me retenir, tu m'as quitté. Je ne te laisserai pas revenir. Je déteste quand tu me dis que tu t'en veux. Je comprends, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Pourquoi vouloir à ce point me garder et être celui qui me laisse tomber? J'ai besoin d'oublier, je dois avancer, tirer un trait sur le passé. Tu m'as quitté, alors laisse-moi partir. Tu m'as quitté, alors laisse-moi te fuir. Laisser approcher aussi près de mon cœur, c'était une erreur. Tu n'aurais jamais dû me faire violence pour pouvoir t'accorder ma confiance. Sors de ma tête, sors de mes pensées. Laisse-moi respirer, laisse-moi t'oublier. De ma tête, par toi de mes pensées. Laisse-moi respirer, laisse-moi t'oublier. Tu m'as quitté, alors laisse-moi partir. Tu m'as quitté, alors laisse-moi te fuir.